dans 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est là ce que nous sommes rendus. Quand Jésus-Christ a été arrêté, puis qu'on venait nous chercher pour l'emmener pour la crucifixion, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils se sont sauvés. Hein? Ils sont devenus, on dit en québécois, des fois, ils sont devenus des pissous. Ils sont allés se cacher. J'ai déjà entendu une femme dire que c'était juste les hommes qui avaient été se cacher, pas les femmes. Pas sûr. Je pense que les deux. Il y avait des disciples, hommes et femmes, mais je pense que peut-être les deux sont allés. Parce qu'ils disaient qu'il y avait les femmes qui étaient allées jusqu'à la croix avec Jésus. Mais ils étaient oubliés, Jean était là aussi. Il y avait un homme. Deux femmes pour un homme, c'est pas pire. Mais ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à aller se cacher. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans Actes des Apôtres, quelque temps après, tout d'un coup, tu es devenu des braves? La Pentecôte est arrivée, mais ça, qu'est-ce qui est arrivé avant ça, avant la Pentecôte? Oui, avant ça. Non, il a ressuscité. Il faut qu'il ressuscite pour les apparaître, pour qu'il les voie, puis en fait, ça, il faut qu'il ressuscite pour que le Saint-Esprit vienne. Après qu'on était convaincu que Jésus était ressuscité, ils sont devenus des hommes et des femmes braves jusqu'à la mort. La résurrection a changé dans leur vie tellement de choses. Le fait qu'ils ont été convaincus, le fait que Jésus a apparu, mais aussi que cet esprit est venu dans leur vie et leur a donné la capacité d'assimiler cette vérité-là. Parce que c'est pas, il n'est pas les seuls à savoir que Jésus t'a ressuscité. Il y en a d'autres qui ont su que Jésus-Christ t'a ressuscité. Hein? Qui savait que Jésus-Christ t'a ressuscité? Puis à part les apôtres, à part les disciples, les soldats, les pharisiens, beaucoup de monde ont su que Jésus t'a ressuscité. Mais est-ce que ça a fait un effet dans leur vie? Ce n'est pas de le savoir seulement, parce qu'il y a beaucoup de vérités qu'on sait qui ne font aucun effet dans notre vie. Mais c'est par le Saint-Esprit qui vient habiter, qui lui prend la vérité et transforme nos vies. Ça prend ça, ça prend les deux, vérité et Saint-Esprit. Si j'ai juste le Saint-Esprit et que je n'ai pas la vérité, ça ne fait rien non plus. Ça prend les deux, vérité et Saint-Esprit, et ça change la vie d'une personne. Des vérités bibliques sont venues dans nos vies par rapport à l'Évangile, et le Saint-Esprit est venu. On nous a appliqué ça dans notre vie, en fait, comprendre les implications de tout ça. On nous a appliqué ça dans notre vie et ça a changé notre vie pour toujours. Donc, ça prend les deux. Ça prend toujours les deux. Le Saint-Esprit et les vérités. Les Corinthiens, une église bordélique, avaient des difficultés parce qu'il y avait des difficultés avec la doctrine. Et une de ces doctrines-là était la résurrection. Et ils ne croyaient plus, en grande partie, où il y en avait dans l'Église qui ne croyaient plus à la résurrection et qui prêchaient ça et qui voulaient encourager l'Église à abandonner cette doctrine-là et de ne plus croire cette résurrection-là. Et je vous ai dit, et je le répète, nos problèmes fondamentaux dans la vie sont toujours doctrinaux. Et non pas moraux. On est trop vite sur la pédale de la morale et pas assez vite sur la pédale de la doctrine. C'est la doctrine qu'il faut recevoir. La vérité va venir en nous, dans nos cœurs, et l'Esprit Saint qui habite en nous pour nous autres, parce que l'Esprit Saint habite dans nos cœurs pour toujours, en tant que croyants. La vérité va venir, et cet Esprit va prendre cette vérité-là et va l'appliquer. Et c'est nos problèmes dans notre vie de tous les jours, avec le péché, avec l'immoralité, est toujours précédé d'un problème doctrinal. Vous penserez à ça, vous méditerez là-dessus. Parce que si on saisit bien cette vérité-là, quand ça va mal, on cherche la doctrine. On ne cherche pas le responsable ou quelque chose. On cherche qu'est-ce que je ne comprends pas de correct dans ma vie. ne sais pas pour vous autres, mais je suis surpris dans ma vie personnelle à quel point je crois encore à beaucoup de mensonges dans ma vie. Je crois encore à beaucoup de mensonges. Je crois qu'il y a beaucoup de choses encore qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que je pêche. Il y a un verset qui dit, qu'on emploie souvent, surtout avec les inconvertis, le cœur de l'homme est... Femme aussi, embarquée avec nous autres. Le cœur des hommes et des femmes est... Parce que des femmes, quand on dit homme, ils pensent juste aux autres. Femme et homme, notre cœur est plus tortueux que par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le verset dit ça, hein? Qui peut le connaître? Et la réponse, c'est Dieu seul. Quand je me suis converti, Dieu a changé une partie de moi. On appelle la nouvelle naissance. Mais en plus, on est resté quand même avec la chair. Mais ça, la chair, c'est quoi? C'est pas... Des fois, on est un petit peu embêté avec ça, les chrétiens. C'est quoi la chair? C'est pas la peau. La peau n'a pas de volonté propre, là. Mes muscles n'ont pas de volonté propre. Le muscle, mon cardio, là, c'est pas de volonté propre, ça, là. Il y a quelque chose en dedans de moi qui veut encore prendre des décisions folles. Il y a encore en dedans de moi quelque chose que je ne peux pas connaître moi-même, mais que seulement Dieu connaît. La profondeur du péché qu'il y a en nous, encore aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre. On le sait, par la foi, Dieu nous l'a dit. Mais on ne peut pas le comprendre. Notre cœur, oui, on dit que notre cœur a été régénéré. C'est vrai, c'est pour ça qu'on est ici un matin. Il y a une autre partie, c'est pas facile en tant que chrétien de couper ça en deux, là, le blanc puis le noir, puis il y en a qui appellent ça chien blanc, chien noir, la nouvelle nature, la vieille nature, on a de la misère avec ça, puis on essaie de couper ça, puis c'est pas évident, mais on sait très bien, chacun de vous ce matin, qu'il y a une partie de vous qui a des idées noires, hein, vous savez ça, il y a une partie, quelque chose en vous qui veut... qui pense mal, qui pense au péché, qui désire le péché. Mais il y a une partie de vous qui veut la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est la guerre continuelle tous les jours de notre vie jusqu'à temps que Dieu vienne nous chercher. Mais il faut apprendre à se méfier de cette partie de nous qui est là encore. Et je disais à quelqu'un cette semaine, Dès qu'on se réveille, qu'on rouvre les yeux, il y a une partie de nous qu'on appelle la chair dans les Écritures qui veut faire le mal, qui veut sacrer une claque au conjoint qui est au côté, qui veut trouver quelqu'un à accuser, qui veut maudire quelqu'un d'autre, qui veut se plaindre de quelque chose dans sa vie, qui veut se lamenter, qui veut blâmer quelqu'un. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui ne fonctionnent pas bien. Et ça prend l'aide de Dieu, ça prend l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, pour qu'on puisse voir clair dans tout ce qui se passe. Cette personne, cette semaine à qui je parlais, était tellement rendue au bout du cordeau dans sa vie, c'est un chrétien, que je n'utiliserai pas les mots qu'il dit par rapport à Dieu, mais il l'a envoyé sur Dieu. Il dit, sais-tu comment j'ai osé dire ça, François? C'est parce que tu m'as dit, il y a deux semaines, que tu l'avais fait toi aussi un jour, puis je me suis laissé aller. Je pensais qu'un chrétien n'avait pas le droit de faire ça. Je dis, tu n'as pas le droit de le faire. Je n'avais pas le droit de le faire, moi non plus. Mais je l'avais fait dans ma tourmente, dans ma folie. J'avais blâmé Dieu. Et il dit, lui, il dit, c'est ce qu'il a fait. Il dit, Dieu, ah ouais, ça ne marche pas plus que ça. Ah ouais, puis là, il était tellement irrité avec Dieu. Il dit, il faut que ça sorte. Que tu le dises, que tu ne le dises pas, tu l'as déjà dans ton cœur. C'est déjà là dans la pensée. Ça ne change rien que tu ne le dises pas ou que tu le dises à haute voix, ça ne change pas grand-chose. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui veut le mal, qui veut détruire Dieu. Quelque chose qui est Dieu, qui a de la haine pour Dieu. Hein? La Bible dit quoi dans Romains 8? La chair est un ennemi de Dieu. Elle est un ennemi de Dieu. Elle ne veut pas faire la volonté de Dieu. Elle n'aime pas Dieu, cette chair-là. Puis c'est en nous. C'est quasiment épeurant de penser. Cette bébête-là est en nous. Puis tout ce qu'elle veut, elle, c'est détruire Dieu. mais gloire à Dieu, il y a un autre petit quelque chose au côté qui, la Bible nous dit, qui est plus fort que l'autre. Qu'avec la grâce de Dieu, on va vaincre l'autre finalement. Mais après avoir dit ça, là, ce chrétien-là, mais il était avec moi, pour parler de Dieu, pour on voulait trouver une solution en Dieu. La partie qui est la lumière a venu pareil pour dire, ouais, ben, on vient. Et ce matin, c'est l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vos problèmes de foi, de moralité, on sait que l'Église était épouvantable, ce qu'ils vivaient. Et ce matin, on regardait que Dieu fait souffrir, mais l'Église de Corinthe, là, la Bible nous dit quoi dans Corinthiens 11? Il y en a qui étaient malades, d'autres étaient infirmes, d'autres étaient morts à cause de mauvaise compréhension des Écritures. Ils prenaient le repos du Seigneur indignement. Et Dieu dit, il vous arrive toutes ces choses-là parce que vous ne comprenez pas bien quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, dans votre tête, là. Puis il dit, je fais ça parce que je vous aime, parce que je ne veux pas vous soyez condamné avec le monde. Mais vous, comment nous, on comprend mal, des fois? Il dit, moi, je fais ça parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu sois condamné avec le monde. Donc, je te fais des choses sur la terre parce que je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais, moi. Puis on voit tout ce qui se passe dans les Corinthiens. C'est vraiment bordélique, cette église-là. Mais ce qui est plus merveilleux, c'est que Dieu ne se lasse pas de vouloir leur faire du bien. Puis ici, dans Corinthiens, mais il va essayer de rétablir quelque chose dans leur tête en parlant de la résurrection, parce que ils s'en vont vers la perdition, dans un certain sens, parce qu'il dit, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous êtes perdus. Vous êtes morts dans vos péchés. Si, là, on a vu ensemble la semaine passée qu'il y a deux absolus dans l'Évangile. Un, Paul va dire dans le Corinthiens 15, un, Jésus-Christ est mort pour les péchés et il est ressuscité. Les deux font partie de l'Évangile, les deux, c'est des absolus. Je ne peux pas en croire un puis pas croire l'autre. Il faut que je croie les deux. Si je ne crois pas l'un des uns de l'autre, je suis perdu. Paul dit, si vous ne croyez pas en Jésus comme votre sauveur personnel qui est mort pour vos péchés, vous êtes perdu. Mais si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité des morts, vous êtes perdu aussi. Donc, si vous abandonnez, imaginez-vous à quel point ça peut être néfaste de ne pas comprendre une doctrine. Il dit, si tu rejettes la résurrection, si tu crois que ce n'est pas vrai la résurrection, si tu crois que c'est une fausseté, tu es perdu pour l'éternité. C'est assez important comme déclaration. Et si Paul dit ça à l'Église de Corinthe, il ne dit pas ça à n'importe qui, il dit ça à l'Église de Corinthe. Et quelqu'un pourrait nous dire la même vérité. Si l'Église de Mont-Tremblant déciderait un jour de ne plus croire à la résurrection, je vous en prie, mettez-moi dehors. C'est moi qui dis ça. Mais si nous, on viendrait au point de rejeter la résurrection, on serait une Église de perdu. Peu importe ce que vous diriez. Oh, j'ai été sauvé il y a 20 ans, j'ai été sauvé il y a 10 ans. La Bible dit, si tu ne crois pas à la résurrection, tu es perdu dans tes péchés. Peu importe ce que tu dis. Donc, on a vu que la résurrection, c'est un fait historique. On a vu ça du verset 1 à 11. Ensuite, on a vu du verset 12 à 19 que la résurrection est salvatrice. Ça veut dire qu'il faut que j'y croie. Sans elle, on est perdu. Ensuite, on a vu que la résurrection est les prémices de notre résurrection. À cause que Christ a ressuscité, Paul dit, vous allez ressusciter. Si Christ n'est pas ressuscité, vous n'allez pas non plus ressusciter. Donc, si on ne croit pas à la résurrection, on croit que nous non plus, on ne ressuscitera pas. C'est assez facile à comprendre. Et ce matin, on va continuer au verset 24. Verset 24, si vous voulez bien. On va voir que la résurrection, du verset 24 jusqu'à 28, la résurrection est la victoire sur tous les ennemis de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, les ennemis de Dieu sont plus forts que Dieu. C'est fort, hein? C'est assez intéressant. C'est pour ça que Paul ici le fait ressortir, mais on va dire c'est Dieu qui le fait ressortir, mais dans ce sens-là. Lisons ensemble verset 24 jusqu'à 28. Quelqu'un voudrait lire? Yes. Donc ici, l'apôtre Paul, il dit que la résurrection donne victoire sur tous les ennemis de Dieu. Parce que c'est les ennemis de Dieu qui ont amené la mort ici. Il dit le but, il dit, il a vaincu toute domination, toute autorité, toute puissance, et le dernier ennemi qui était la mort. Il dit, il faut tout, qu'il y a une victoire sur tous ces ennemis-là, qui sont les ennemis de Dieu, et par le feu même, nos ennemis. Parce que nous, on est dans le camp de Dieu. On est avec Dieu. Il dit, si Jésus n'est pas ressuscité, ces ennemis-là ne sont pas vaincus. Et la mort n'est pas vaincue. Parce que la mort était plus forte que Jésus lui-même. Parce que Jésus est en mort à cause du péché. Et qu'il n'aurait pas été capable de sortir de la mort, c'est que la mort était plus forte que lui. La mort l'aurait retenu dans le tombeau. Mais il dit, la mort n'étant pas plus forte, il a vaincu la mort. Et nous autres, automatiquement, la mort n'a plus de pouvoir sur nous parce qu'on est en Jésus-Christ. Nos ennemis sont vaincus. Et Jésus l'a dit quand il est sorti. Or, on ne voit pas tout l'accomplissement aujourd'hui dans le monde, parce qu'il faut qu'il fasse son deuxième retour et qu'il nous ressuscite à notre tour et qu'on soit tous ressuscités. Et là, il va détruire tout le restant. Mais on le croit par la foi, hein, que sa résurrection est notre résurrection et qu'un jour, il va venir et il va nous ressusciter. Il va mettre une fin, hein, à tout cela. Ce verset-là est souvent utilisé par... je fais une parenthèse ici juste pour le mentionner. Ce verset est utilisé par les témoins de Jéhovah pour nous dire que Jésus-Christ est inférieur à Dieu parce qu'il lui est soumis. Et quand les témoins de Jéhovah sortent ça pour vous, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous leur expliquez ça? Parce que Jésus ici dit il va soumettre tous les ennemis de Dieu par sa résurrection. Il a tous soumis les ennemis de Dieu et ils sont tous aux pieds de Dieu. Mais Dieu n'est pas soumis à Jésus, c'est Jésus qui est soumis à Dieu. Comment est-ce que vous expliquez ça aux témoins de Jéhovah? Comment vous expliquez ça pour votre vie personnelle? Est-ce que Jésus est inférieur à Dieu? Parce qu'il se soumet. Si on a de la misère avec ce verset-là, c'est souvent parce qu'on a de la misère à comprendre le mot soumission. Moi, vous savez ce que je demande? Je demande dans cela. Je leur demande, est-ce que ta femme est soumise? Hein? Surtout si la femme est avec eux autres, c'est plus difficile à répondre. Ils disent, est-ce que votre femme est soumise? La plupart du temps, ils vont dire oui. Et là, je leur dis, es-tu inférieur à toi à cause de ça? Est-ce qu'elle est inférieure à toi? Et là, ils répondent pas mal moins vite dans ce temps-là. Surtout si leur femme est avec eux autres. La soumission n'a rien à voir avec une infériorité quelconque, avec un rang quelconque. Elle a à voir seulement avec une façon de fonctionner. C'est Jésus-Christ que Dieu a envoyé Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'est lui qui l'a envoyé. Mais ça ne veut pas dire que Jésus était un serviteur moindre ou moins important parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est juste un rôle, une façon de fonctionner. La soumission n'a rien à voir avec ma nature. Si Jésus est de nature divine, ça n'enlève pas sa nature divine d'être soumis à Dieu. Moi, je leur dis ça. De quelle nature Jésus est? Es-tu un être humain? Es-tu un être angélique? Ou est-tu un être divin? Il y a juste trois possibilités, il n'y a pas d'autre dans la Bible. S'il est un être divin, le fait qu'il se soumet à Dieu n'enlève pas cette nature divine-là. Puis s'il est un être divin, la Bible nous dit qu'il y a juste un Dieu, donc il est Dieu. Il n'y a pas deux. Mais ici, tout cela, tout ce qu'il y a sur la terre, est soumis à Dieu présentement, il va l'être d'une façon totale à la fin des temps, à cause de la résurrection de Jésus. Tout le monde va être soumis. Tout le monde va être au pied de Dieu et dans la soumission. Donc, c'est vraiment une grande vérité, parce que si on ne croit pas à la résurrection, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire avec ça, nos ennemis sont plus forts que nous. Une autre vérité, verset 29 à 33, 29 à 33. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Et si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, pour la gloire dont vous êtes pour moi le sujet. et Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans la vue humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il? Et si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Donc, la résurrection nous donne la capacité d'accepter la souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il dit, pourquoi est-ce que j'accepterais de souffrir pour Jésus si Jésus n'est pas ressuscité? Donne-moi une autre explication. Pourquoi est-ce que je souffrirais pour quelque chose qui n'est pas vrai? Parce qu'on dit qu'il est ressuscité des morts, puis ça ne serait pas vrai. Donc, pourquoi est-ce que j'accepterais de mourir pour quelqu'un? Et quand on étudie la théologie, c'est une des preuves, on appelle ça des preuves externes, que le fait que les apôtres, dans leur première génération, ont accepté de mourir pour Jésus-Christ ressuscité, est une preuve qu'ils avaient bien vu ressusciter. Il n'y aura jamais... C'est une chose de compter des mentries, puis dire qu'il était ressuscité, puis ce n'est pas vrai. Mais de mourir pour une mentrie, ça, c'est pas mal fou. Mais le fait qu'ils ont accepté de mourir parce que Jésus-Christ était ressuscité, démontre qu'ils croyaient vraiment qu'il était ressuscité. Mais il dit, pourquoi est-ce que vous acceptez de mourir, de souffrir au nom de Jésus, si Jésus n'est pas ressuscité des morts? C'est fou. C'est complètement idiot de faire ça. Et s'il n'est pas ressuscité, arrêtez de souffrir. Qu'est-ce qu'il dit de faire à la place? Buvons et mugeons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, c'est quoi? Faisons la fête. Faisons la fête. Faisons la fête. Ne souffrons pas pour le nom de Jésus, ça ne donne absolument rien. Mais il dit plutôt, embarquons dans la gang avec eux autres, puis fêtons, amusons-nous pendant qu'on est vivant. Parce qu'il dit, ça ne sert absolument rien. Mais qu'est-ce qui causait ça? Qu'est-ce qui causait qu'ils étaient pour manger et boire et corrompre leurs bonnes mœurs, leurs habitudes chrétiennes? Qu'est-ce qui faisait ça? C'était qu'ils ne croyaient pas à une doctrine. Et tu ne crois pas à la résurrection? Pète-toi à fraise, vas-y mon gars. Aujourd'hui, on dirait sniff, fais n'importe quoi, pique-toi, fume un joint, va te pacter, paye-toi du bon temps, on va mourir demain, puis ça ne sert absolument à rien, ces affaires-là. Voyez-vous comment il relie la vérité au comportement? Moi, je vous encourage, les chrétiens, faisons attention. Nous autres, on essaie de changer notre comportement sans avoir une vérité avec. Moi, je dis, je trouve la vérité et le comportement va suivre. Je fais ce terrain-là avec mes propres enfants. J'ai voulu changer leur comportement sans qu'ils comprennent la vérité. Savez-vous ce que ça a fait? Des rebelles. Ça fait juste des rebelles. Parce qu'ils voulaient que je change leur comportement. Un comportement, ça ne change pas. À moins qu'une vérité rentre dans le cœur, dans l'esprit de la personne, et que le changement se produise selon Dieu. Parce que j'essaie d'en faire, aujourd'hui, ce que je comprends, des gens religieux, tu sais, des gens qui sont gentils, sont fins, puis font tout ce que je dis, puis sont obéissants. Mais dans le fond, c'est juste des pécheurs perdus, là, ça ne faisait rien. Là, c'est bien beau à l'extérieur, mais ça ne change absolument rien dans leur cœur. Aujourd'hui, ce que je ferais, je mettrais plus d'emphase pour leur faire comprendre les vérités que d'essayer de changer leur comportement par des règles ou des lois. Alors, je vous dis pas qu'il faut pas les aider à avoir un bon comportement, mais il ne faut certainement pas se fier sur le comportement pour croire qu'ils ont été changés. Combien d'entre nous, parents, ou dans nos églises en tant que chrétiens, on a cru que certaines personnes étaient sauvées parce qu'ils avaient un bon comportement? « Oh, mon gars, il est sauvé, gars, il va à l'église, il fait ci, il fait ça. » Puis du coup, on se retrouve quelques années après, puis patate, il est parti complètement, il ne veut plus rien savoir de Dieu, il maudit Dieu, puis c'est fini. Parce qu'on s'est fié sur le comportement. Il ne faut pas qu'il y ait juste un changement de comportement. Oui, mais il faut qu'il y ait une vérité derrière ça. Il faut qu'il y ait une vérité derrière ça qui produit un changement selon Dieu, qui va amener la gloire à Dieu. Une autre vérité, donc, il dit, faites attention aux faux docteurs que parmi vous, parce que si vous croyez aux faux docteurs, ça va corrompre vos bonnes mœurs. Donc, il disait bien, je l'ai dit la semaine passée, il disait pas de faire attention aux putains, puis aux vendeurs de drogue, puis aux bars, puis aux films porno. C'est pas ça qu'il disait, là. C'est pas ça qui va corrompre vos bonnes mœurs. C'est qui va corrompre les bonnes mœurs dans le texte, ici? C'est les faux docteurs qu'il y a dans l'église. C'est les faux docteurs qu'il y a dans l'église. C'est pas la putain du coin, là. Nous, on a plus, on veut se méfier de l'extérieur parce qu'on veut protéger notre comportement, on veut avoir une bonne attitude, qu'on se garde loin de ces gens-là, quand le problème n'est pas là. Le problème, il est ici, entre les oreilles, c'est là. Il y a quelqu'un dans votre église qui vous enseigne quelque chose de pas vrai et ça corrompt vos bonnes mœurs. Ça corrompt vos bonnes habitudes de vie. Donc, faites attention, parce que je peux vous en sortir des salés des fois. François ne dit pas toujours la vérité. Parce que je ne suis pas infaillible. Je ne suis pas infaillible. On n'est pas des papistes, nous autres, là. Non. On ne croit pas à l'infaillibilité du pape, on ne croit pas à l'infaillibilité du pasteur non plus. Donc, je peux vous dire une vérité, et si vous. C'est pas une vérité, je ne fais pas exprès, là. Quand vous l'avez dit, je pense que c'est la vérité. Il y en a qui me regardent, ils m'ont vu le 15e, puis ils savent que ce que je suis en train de dire. Que je vous ai dit quelque chose il y a 15 ans, puis là, je vous dis le contraire aujourd'hui. J'espère que je ne dirai pas dans 15 ans, notre canot t'en fait vraiment. Je vous ai dit encore des conneries il y a 15 ans, on change encore. Il faut être prêt à s'adapter pour que la vérité nous transforme. Et elle va faire un changement. Verset 35 à 50. La résurrection nous équipe pour le nouveau monde. Paul dit, si vous ne croyez pas à la résurrection, quand le nouveau monde va venir s'établir, vous ne pouvez pas y rentrer. Vous ne pouvez pas en faire partie. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement dans vous, physiquement, pour vous faire partie du nouveau monde que Dieu va établir. C'est intéressant, ça, hein? Il dit, si vous n'avez pas cette résurrection-là, vous ne pouvez pas faire partie des nouveaux cieux, nouvelle terre. Ça prend la résurrection pour faire partie de cela. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. Et s'il meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair, excusez-moi. Je suis au verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais toute autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il le suscite incorruptible. Il est semé méprisable, il le suscite glorieux. Il est semé infirme, il le suscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas du royaume de Dieu, de l'incorruptibilité. Donc, tous ces longs versets-là, Paul est en train de dire, le corps que nous avons présentement ne peut pas hériter des nouveaux cieux, nouvelles terres. Ne peut pas. Est-ce que quelqu'un a déjà semé des patates? Hein, on sème des patates. Vous savez, des patates. Et si vous arrachez un coton de patates, mettons un mois après, les patates ne sont pas prêtes, mais en l'arrachant, souvent, il va suivre la vieille patate. Elle est toute là, noire, à tatiner, puis elle ne sent pas bon. Ben, mais elle, en mourant, elle a donné la vie à des dizaines de patates. Les autres sont bonnes. Puis, Paul, il prend le même exemple ici. Il dit, le grain que tu mets en terre, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure pour en produire d'autres. Il dit, ce que vous avez, votre corps terrestre, il faut qu'il meure pour qu'il y en ait un autre qui vienne. Il faut que vous soyez transformés pour faire partie des nouveaux cieux, nouvelles terres. Il dit, ce corps-là, qui est corrompu encore, qui a été maudit par Dieu. Vous n'avez pas pensé ça, hein? La Bible dit que Dieu a maudit la création. Puis nous autres, on fait partie de la création. après le péché, Dieu a maudit la création. Puis il dit que la création va souffrir, va être malade, va détruire. Ça va être dur dans la création. Ce corps-là, il est plein de corruption. Hein? La Bible nous dit ça, on vient de... Corruption. C'est pourri, ça, cette affaire-là. Ça ne peut pas hériter du royaume des cieux. Donc, si ça ne peut pas hériter, et Dieu veut que je vive avec un corps, parce que Dieu m'a créé avec un corps, donc il veut que je vive pour l'éternité avec un corps. Il dit, il faut que je te donne un nouveau. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, tu ne peux pas faire partie du nouveau ciel, nouvelle terre. Parce que le nouveau ciel, nouvelle terre, ou le royaume des cieux, ce n'est pas un monde spirituel. Ça va être un monde bien terre à terre, avec une terre, avec des arbres, avec des animaux, avec des êtres humains qu'on va pouvoir toucher. Ça va être un monde physique et matériel. On ne vivra pas dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, avec juste un esprit. Dieu veut qu'on ait un corps pour vivre là. Donc, il dit, avec quel corps tu vas aller s'il n'y a pas de résurrection? Donc, ça te prend un corps nouveau, Dieu. Et ça, c'est la résurrection de Jésus qui te prépare à avoir cette résurrection-là, qui va te donner un nouveau corps et qui va être apte à vivre dans les nouveaux ciel, une nouvelle terre. Le nommé Duchesne, il me semble, c'est Deschênes qui s'appelait. Lui, il était venu au monde infirme. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais la première fois que je l'ai vu, j'étais tellement mal à l'aise, je me suis détourné. J'ai parti, j'ai fait de la salade pour le voir. Il était dans une chaise là, puis attaché après sa chaise, là, pas capable de bouger la tête, attaché après la chaise, parce que si j'ai bien compris, il y avait une sorte de maladie que les muscles n'ont pas aucune capacité. Puis, tu le mettais debout, puis il aurait tombé pareil comme une guenille à terre. Puis il y avait juste un doigt qui bougeait. Il y avait le doigt sur un bouton, puis il renait sa chaise comme ça. Puis lui, il disait tout le temps, vous avez hâte à la résurrection, hein, mais pas autant que moi. Il disait ça souvent. Ils avaient hâte à la résurrection, hein, mais pas autant que moi. Il dit, moi, je sais qu'un jour, je ne serai plus dans la chaise volante. Sinon. Je sais que Dieu va faire de quoi, puis je ne serai plus là-dedans. Puis chacun de nous, nos petits bobos, vous avez plus que 50 ans. J'en regarde là sur moi. Je pense qu'il y a juste une couple qui n'ont pas 50 ans. Les autres ont tous plus que 50 ans. Non, il y en a peut-être plusieurs qui n'ont pas 50 ans. Qui n'ont pas 50 ans encore? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, il y en a qui ont plus que 50 ans. Il y en a peut-être juste 3-4 qui n'ont pas 50 ans. Il y en a qui ont vraiment des bobos en haut ici, là. Ils ne se souviennent pas de leur âge. Mais tous les petits bobos qu'on a, ça va disparaître. Ça va disparaître. Et la Bible nous dit que Dieu va enlever toute souffrance, toute maladie. Il n'y aura plus de mort, il n'y a plus rien. Et on va vivre avec un corps parfait. J'ai bien hâte de voir ce que c'est un corps parfait. Parce qu'il n'y en a pas un, hein? Pas un sur la terre qui a un corps parfait présentement. C'est peut-être Jésus qui avait un corps qui n'était pas attaché du péché. Mais les autres, là. J'aimerais ça voir le corps que Jésus avait. Un corps qui n'est pas attaché par le péché. Un corps qui n'est pas sujet. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Jésus, as-tu été malade, tu penses? Je suis pas capable de répondre. Il faudrait te répondre avec certitude. As-tu déjà eu le rhume? Je ne sais pas. En tout cas, je vais te demander, mais je vais le voir. Il dit, il compare, il dit, il y a un corps terrestre, il va avoir aussi un corps céleste. Puis là, il dit, corruptible, il va devenir incorruptible. Méprisable, il va devenir glorieux. Infirme, il va devenir plein de force. Naturel, il va devenir spirituel. Donc, il dit que c'est un va avoir une transformation. Et la Bible nous dit qu'il y en a qui sont morts, qui vont ressusciter, donc qui vont être sur la terre, qui vont être transformés. Mais tous les chrétiens vont l'être. Je pensais qu'il y en a qui étaient pour réagir. Tous les gens vont l'être. Même les non-chrétiens vont l'être. Vous savez ça? Avez-vous déjà pensé à ça? Les inconvertis vont être aussi ressuscités. Ils vont avoir aussi un corps incorruptible qui ne mourra plus jamais. Mais ils ne seront pas avec Dieu. Dieu va leur donner un corps parfait pour vivre dans l'éternité et à loin de Dieu avec ce corps-là. Parce que Dieu a créé des êtres humains et des êtres humains, ça a un corps. Si on était séparé du corps, s'il y a des gens qui sont séparés de leur corps, c'est à cause du péché. Et quand le péché va être réglé, Dieu va nous remettre dans des corps. Et là, il y en a qui vont aller avec Dieu, puis d'autres qui vont aller loin de Dieu. Mais avec un corps. La résurrection, c'est la résurrection de tout le monde. Parce que la Bible nous dit qu'il y en a qui vont ressusciter pour la vie, d'autres vont ressusciter pour la mort. Donc tout le monde ressuscite. Tout le monde ressuscite. Mais ce qui vient en premier, c'est quoi? C'est le terrestre qui vient en premier. Le deuxième, c'est le céleste. Donc là, on est dans nos corps terrestres. Il dit, comme on a un corps qui est comme celui qui ressemble à Adam, nous allons avoir un corps un jour qui va ressembler à celui de Jésus ressuscité des morts. Qu'est-ce que Jésus a fait à coup ressuscité avec son corps nouveau? Il a mangé. Donc, un d'entre vous, je sais qu'il aime bien ça manger. Donc, vous allez, faites-vous en pas, vous allez pouvoir manger pareil. Moi, je suis le genre qui n'aime pas manger, fait que si on ne mangera pas, ça ne me dérangera pas. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre chose aussi? Parler! Là, ça, moi, je vais aimer ça! Là, je vais aimer ça! Il n'y aurait plus personne pour me dire de me taire! Il va pouvoir parler de temps, il va bien aimer, je vais t'asseoir aux côtés de moi, dans le ciel. Tu vas pouvoir, il va m'écouter. Il dit, non, non, fais pas ça, ça va être l'enfer. Qu'est-ce que c'est qui a fait Jésus à part ça aussi? Attends, qu'est-ce que c'est? Il marchait, il passait à travers les murs. Ça, j'aimerais ça aussi. Quand j'étais jeune, je disais, hey, ça serait fun de passer à travers les murs. Pas à travers les murs. Hein? Ah oh, ouais, t'es gentil. Mais Jésus a fait des choses qui étaient spéciales pendant qu'il était ressuscité sur la terre. Ça nous donne un petit peu une idée que le corps qu'on va avoir, il va être spécial. Le groupe qui vous demande ou qui m'a demandé, on va-tu tout avoir la même âge? On va-tu ressusciter à la même âge qu'on est? Tu sais, si on est mort à 90 ans, puis qu'on va ressusciter, puis qu'on va-tu vivre l'éternité avec la canne, tu sais, avec un corps ressuscité? Je vois là, si on va-tu tout à, si on est mort à 3 ans, si on est mort. On n'a pas vraiment d'idée précise. Mais on va être plein de force. On va être plus de traces du péché. Vu que la vieillesse et la maladie, c'est la trace du péché, ça ne sera plus là. Puis là, ils ont tout encore des hommes et des femmes. On va-tu se reconnaître? En tout cas. Il nous laisse des surprises, des choses à découvrir, mais qu'on soit parti. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va tout être satisfait du corps qu'on a. Tout le monde va être satisfait du corps qu'il va avoir. Je sais qu'il y a des choses que vous n'aimez pas de votre corps. On est tous pareils. On a des affaires, un cliquiné, une grosse oreille. T'sais, on aimerait tout avoir quelque chose de différent sur notre corps. Mais là, il va être parfait. À partir du verset 51-52, permettez-moi d'aller un petit peu quelques minutes en dehors. 51-52. Parce que j'ai pas du stock pour un autre sermon. Voici, je vous le dis, le mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Je n'ai déjà parlé. En un instant, en un clin d'œil, la résurrection de la trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel sera revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Quand est-ce que ça va avoir lieu la résurrection? C'est marqué là. À la dernière trompette. Mais je ne vais pas demander quand va sonner la trompette, je vais demander quand va avoir lieu la résurrection à la dernière trompette. Et quand c'est la dernière trompette, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre après. C'est la dernière. Donc, la résurrection va avoir lieu à la fin des temps. Va avoir lieu à la fin des temps, de ce monde comme on le connaît aujourd'hui. Ça va être fini à ce moment-là. Il y en a qui vont être changés, il y en a qui vont être transformés. Et là, on va avoir revêtu. Ça va avoir lieu juste à la fin des temps. Fait qu'espérez pas ça de votre vivant. C'est à la fin des temps. Il faut attendre que ça s'accomplisse. Et le dernier, c'est que la résurrection, au verset 53 jusqu'à 57, on a lu une partie, nous donne du zèle. Allez voir le verset 58, on va terminer avec celui-là. Verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Comment est-ce qu'il encourage les chrétiens à travailler de mieux en mieux? Ça pourrait être traduit aussi dans le grec « de plus en plus ». De mieux en mieux et de plus en plus. C'est l'équivalent. Il dit, comment il les encourage? Il dit, si vous voulez travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, c'est que vous croyez à la résurrection. Si vous ne croyez pas à la résurrection, votre travail est vain. Mais vu qu'il y a une résurrection, votre travail n'est pas vain. Donc, ça va nous encourager à travailler de mieux en mieux, à faire de mieux en mieux. Donc, le Seigneur nous encourage, nous autres aussi, en tant qu'Église à Tremblant, d'être encouragés, non pas par des lois ou des règles, mais par des vérités. Par des vérités. Ce qui décourage, c'est des mensonges. Ce qui encourage, c'est des vérités. Et quand quelqu'un, vous apercevez que si quelqu'un travaille pas comme il devrait travailler, ça n'a rien de le blâmer, ça n'a rien de critiquer. C'est de trouver une vérité et de lui donner la vérité. Paul ici dit aux Corinthiens, croyez à la résurrection et ça va vous aider à travailler de mieux en mieux jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. C'est ça qui va nous aider. Donc, c'est un puissant encouragement à la résurrection. Des fois, on a de la misère à croire quel effet que ça a sur moi aujourd'hui. Mais je vais vous donner une idée. Si vous voulez savoir quel effet ça a sur vous, de quoi la résurrection, arrêtez d'y croire. Arrêtez d'y croire. Vous allez voir les effets que ça va faire. Parce que des fois, on ne s'aperçoit pas. Parce qu'on le croit. C'est dans notre cœur, c'est là, on le croit. On ne s'aperçoit pas que si on n'y croirait pas, qu'est-ce que ça fait? Puis Paul vient de leur dire, vous voyez-vous, qu'est-ce que ça fait quand on n'y croit pas? Et il y a beaucoup de vérités comme ça qui nous empêchent de faire un paquet de conneries. Je peux toujours vous donner un petit conseil. Méditez pas trop longtemps sur vos conneries. Méditez sur le fait que Dieu vous empêche d'en faire un paquet. Par les vérités qu'il a mises dans votre cœur. Prions ensemble. Notre Père du ciel, qu'est-ce qui nous empêche de faire toutes sortes de folies? Qu'est-ce qui nous empêche ce matin d'aller s'agenouiller devant des idoles, des statues de plantes ou de bois? C'est seulement les vérités que tu as mises dans notre cœur. On n'a aucune gloire pour cela. Mais tu as mis des vérités dans notre cœur et tu as mis le Saint-Esprit. Et ces vérités-là nous empêchent de faire toutes sortes de choses. Hein? On te remercie, Seigneur. Et on veut s'encourager mutuellement ce matin par cette belle vérité de la résurrection. La mort a été vaincue. Certains d'entre nous, si tu ne tardes point, vont peut-être même pas mourir. Ils vont être changés. Ils vont partir habiter dans un nouveau monde. Ceux qui sont morts avant nous, on va les rejoindre. On va les revoir. On va pouvoir chanter avec eux. La gloire éternelle de Jésus-Christ. C'est notre prière, Seigneur. Garde-nous dans la foi. Fais-nous paraître Jésus dans notre vie comme étant la chose la plus précieuse qu'il n'y a pas. Que les choses de ce monde ne nous attirent pas au point de nous éloigner de toi. Garde-nous attachés à toi. Et nous te glorifierons pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Levez-vous, on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien. Un cantique qui dit « Que ma vie te glorifie, Seigneur. » Donnez-moi une seconde, je vais éteindre.